Les forces de terre sud-coréennes ont effectué le 29 décembre à Yangpyeong de la province du Gyeonggi les exercices au tir d'hélicoptère dernièrement importés d'après Yonhap News de Corée du Sud. Rappelons que les autorités militaires sud-coréennes ayant affecté en mai dernier aux forces de terre les hélicoptères Apache envisagent d'acheter au total 36 hélicoptères jusqu'au début de l'année prochaine. Elles ont organisé en septembre et en décembre des bataillons chargés de ces hélicoptères.